Unité 9, 2, A. Alors, on fait quoi ce soir? Ben, je ne sais pas. On est combien? 7 personnes, si Ben et Julienne viennent. Bon, ben, moi j'avais pensé une salade comme entrée. Une salade composée? Une salade de tomates et une omelette aux champignons. C'est une bonne idée et c'est facile à faire. Si tu veux, je vais faire les courses. Ben, d'accord. Bien, alors, pour la salade, il nous faudrait de l'huile, parce que j'ai plus d'huile. 1 litre? Non, non, prends 1 demi-litre d'huile d'olive, ça suffit. Ben, attends que je prenne note. 1 demi-litre d'huile d'olive. Et puis, 2 kilos de tomates et 1 kilo d'oignons. 2 kilos de tomates et 1 kilo d'oignons, bon, d'accord. Pour l'omelette, il nous faut des œufs. 6 œufs? Non, prends-en 12. Alors, 12 d'œufs. Et des champignons. Des champignons de Paris. Oui, prends 300 grammes de champignons et un petit pot de crème fraîche. Alors, 300 grammes de champignons et un petit pot de crème fraîche, c'est tout? Oui, c'est tout. Un petit dessert? Ah oui, oui, bien sûr. Une glace? Oui, très bien. Prends 1 litre de glace à la vanille et 1 litre de glace au chocolat. Tout le monde aime ça. Ok, bah j'y vais.